son bilan nuit. Mama, c'est clair l'orage et puis la pluie. Mama, anti-l'eau des zombies en fuite. Moins qu'attend nous, qu'à chanter pour soulager Jelly. Mama, petit tour est zombie l'ennui. Mama, au pipi toujours à lever. Mama, l'autoloman et chololo. C'est parfum, oh, donc j'ai moins mais ou pas là encore. Tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Mais c'est comme ça, moi qu'à songer. Tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Mais c'est comme ça, moi qu'à songer. Mama, c'est clair dans yo l'orage, la pluie. Mama, pas bouleversé au moins qu'échangé. Comptez dit moins, c'est derrière l'homme qui ni l'homme. Mama, ou qu'a trouvé mon drivaillé. Mama, c'est clair dans yo l'orage, la pluie. Mama, pas bouleversé au moins qu'échangé. Comptez dit moins. C'est derrière l'homme qui n'est l'homme. Mais tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Mais c'est comme ça, moi qu'à songer. Aïe, tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Mais c'est comme ça, moi qu'à songer. C'est comme ça, moi, qu'à songer.